de moi. Tu ne n'as pas ce que ça me fait, oh. Tu me guides les frissons, hey. Pour moi t'es parfaite, oh. Mm. Bébé, oh, tu n'as. C'est trop compliqué. Ma cile ou à bord. Ma cile, ma cile, ma cile, oh. À défaut de bisous. Permets-moi de grossa, grossa. Grossa, grossa avec toi, bébé. Quel bisou, bébé, ça vaut. Bébé, l'aimé sans massaï. Sans célèbre, l'on massaï. Demoiselle, danse avec moi. Chuchouille, me marque au sein. Demoiselle, viens près de moi. Toute la nuit, toi et moi. Bébé, bouge ta tête. Bébé, tourne la rambo. Bébé, bouge les hanches. Bébé, bouge ta tête. You are everything that I know, Sherry Coco. My everything, my Sherry, oh. You are everything that I know, Sherry Coco. I go be with you from morning to night. And I go love you till the end of the time. I go there with you, girl, you are so fine, oh. You are so good to me. Demoiselle, danse avec moi. Chuchouille, me marque au sein. Demoiselle, viens près de moi. Toute la nuit, toi et moi. Bébé, bouge ta tête. Bébé, tourne les lambeaux. Bébé, bouge les hanches. Bébé, bouge ta tête. Ah.